êtes toujours sur 21, on est toujours en direct du Fuse à Bruxelles, au beau milieu du concert de Carl Craig. Je dis bien concert puisque tout ce que vous entendez est joué devant nous, devant le public du Fuse par Carl Craig, qui est là bien sûr avec ses ordinateurs, ses synthés et aussi sa guitare. Le concert de Carl Craig, en direct et dans son intégralité, c'est sur 21, cette nuit depuis le Fuse à Bruxelles, Carl Craig. Thank you. Carl Craig, toujours en concert et en direct depuis le Fuse cette nuit sur Radio 21. Un concert que vous pouvez écouter en direct puisque nous sommes là pour vous ce soir jusqu'à 3h du matin avec tout à l'heure le concert de A Guy Called Gerald. Mais pour l'instant sur la scène du Fuse, c'est Carl Craig toujours.